Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. Tu nous bénis et nous protèges. C'est pourquoi je te rends grâce. Je te demande de bénir tous les enfants du monde entier. Amen. Jalinde kosenga yonkolo ete yo pesanga solo ndengu ya makasi po ete nakoka kosalela yonkolo na esengo na kimia pe na eposa. Banda bonie poete kende kolinga bisoro tata na kolomba yo jala na biso awanganse kino ekoya solo yo ye biete mokilinga kiote kolonangai eko banda boni poete kende kolinga bisoro tata na kolomba yo jala na biso awanganse le monde, car tu l'as vaincu. Ce que tu donnes ne peut être arraché, et celui que tu bénis ne peut être maudit. C'est ta parole qui me le dit. Merci Seigneur.